professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Pourquoi revenir sur la taxinomie du genre Homo ? Comment l'histoire des découvertes des fossiles a-t-elle pu influencer les recherches ? Pourquoi le paradigme du Shadowman, entendez cet ancêtre des vrais hommes, qui court-circuiterait l'homme de Néandertal et Homo erectus ? Pourquoi chercher un ancêtre plus avouable que ces hommes singes, les fameux Australopithèques ? Pourquoi est-il difficile d'établir des relations d'ancêtres à descendants dans la phylogénie humaine ? Si Homo habilis a été la première espèce attribuée à notre genre depuis sa découverte, quelles sont les différentes autres formes d'Homo primitifs qui ont été reconnues en Afrique de l'Est et du Sud ? Quelle a été l'influence de la dynastie des paléontologues depuis les découvertes de Louis Leakey sur les recherches en Afrique au XXe siècle ? Pour ouvrir sa série de cours sur la question de la première sortie d'Afrique, le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014 et directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne, nous inscrit à la fois dans l'histoire des découvertes autour du genre Homo, mais aussi au cœur de la révolution technologique qui touche son domaine. Dans sa présentation, il explique, et je le cite, « Au point de rencontre de disciplines aussi diverses que la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique, la génétique ou la climatologie, comprendre l'évolution humaine, c'est comprendre l'interaction permanente du biologique et du culturel. » Jean-Jacques Hublin rappelle, et je le cite encore, que le développement de la phylogénique moléculaire a abouti à un profond remaniement de la classification des primates, notamment celle de la superfamille des hominoïdes dans laquelle s'enracine le genre Homo. Notre espèce est la seule survivante d'un buisson de formes qui représente le taxon frère des chimpanzés actuels. Depuis la séparation entre la lignée humaine et celle des chimpanzés, il y a au moins 7 millions d'années, le rameau des hominines a produit une grande variété de formes. On dénombre aujourd'hui plus d'une vingtaine d'espèces paléontologiques dans cet ensemble. Et c'est au sein du groupe plus ancien des Australopithèques que s'enracine le genre Homo. Nous voici dès lors confrontés à l'évolution des termes à partir des années 1960-70. Si les hominidés sont les grands singes et l'homme, aujourd'hui, la famille des hominini regroupe l'homme, ses ancêtres directs et les chimpanzés, tandis que les hominines se définit comme une sous-tribu réunissant seulement l'homme et ses ancêtres directs depuis la séparation avec les grands singes. Avec les premières formes africaines du genre Homo, nous voici face aux spécimens d'Homo habilis, d'Homo rudolfensis et nous découvrons Homo erectus. Le spécialiste de l'évolution humaine note également que plusieurs espèces de genre Homo ont coexisté avec des formes robustes d'Australopithèque et de souligner encore qu'il n'y a pas de moment adamique où l'homme devient homme. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « La première sortie d'Afrique, l'émergence du genre Homo » le 14 octobre 2014. Aujourd'hui donc, c'est le premier cours de cette série qui va s'intéresser cette année à la première sortie d'Afrique Et cette première sortie d'Afrique, c'est la sortie des représentants du genre Homo. Et donc, je vais prendre une heure pour vous présenter, disons, le cadre général, le cadre historique des découvertes en Afrique. Donc, commençons par rapidement cette question de la taxonomie du genre Homo, c'est-à-dire de la classification du genre Homo à l'intérieur du genre et puis autour de lui. Donc, le terme d'Homo et d'Homo sapiens a été introduit pour la première fois par Carl Linné en 1758. Et à l'époque, on ne connaît qu'un seul représentant du genre Homo vivant, si je peux dire, c'est l'Homo sapiens. Mais Linné, déjà à l'époque, mentionne un Homo silvestris, qui est un homme sauvage, qui est quelque chose qui est très discuté dans toutes les sociétés depuis très longtemps, c'est-à-dire l'existence d'un sorte de double de l'homme civilisé qui vit dans la nature. Alors il y en a différentes versions, on parle d'Homo silvestris, d'Homo ferus, avec parfois d'ailleurs des discussions pour savoir si les grands singes, l'orang-outan par exemple, ne représenteraient pas une forme d'homme sauvage. On commence à l'époque, et en fait dès avant le XVIIIe siècle, à étudier ces grands singes et à les disséquer et à noter leur ressemblance avec l'homme. Classiquement, et encore jusque dans le milieu du XXe siècle, on séparait l'homme des grands singes, et donc dans la superfamille des hominoïdes, on avait créé trois familles, la famille des hominidés qui comprenait l'homme et ses ancêtres directs, les pongidés qui rassemblaient le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan asiatique, et puis les ilobatidés qui sont les gibbons avec toute une variété d'espèces, on le sait aujourd'hui. Alors cette classification, qui est la classification que des générations d'étudiants ont appris jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'est une classification qui se fondait en fait sur la ressemblance morphologique entre les grands singes et la grande distance en termes d'anatomie, en termes de comportement avec l'homme. Alors en fait, cette classification a été profondément remise en cause essentiellement à la suite d'études de phylogénie moléculaire qui ont commencé dès les années 1960 avec Goodman, Sarich et Cronin en particulier, qui ont fait au début des études immunologiques et puis ensuite ces études se sont étendues à d'autres aspects moléculaires et notamment depuis qu'on a du accès au génome de toutes ces créatures, on peut étudier leur phylogénie de façon beaucoup plus précise. Et en fait, toutes ces études ont montré qu'en réalité, au sein des grands singes, le genre Homo était beaucoup plus proche, au point de vue de la parenté, évidemment, pas au point de vue de l'anatomie ou du comportement, du chimpanzé, qu'il ne l'était de l'orang-outan, par exemple. Et donc, la classification qui est le plus largement admise aujourd'hui, est très différente. Au sein des hominoïdea, c'est-à-dire de la superfamille des hominoïdes, on a effectivement une famille des hominidés, mais ces hominidés comprennent les grands singes et l'homme. Hein, donc le terme d'hominidé tel qu'il était utilisé il y a une dizaine d'années veut dire quelque chose de complètement différent aujourd'hui. Et donc pour être sûr que nous nous comprenons sur les termes, on parle de famille des hominini. Et cette famille comprend l'homme et ses ancêtres directs ainsi que le chimpanzé, donc jusqu'à l'ancêtre commun. Et quand l'on parle des hominines, ce terme va être abondamment utilisé dans la suite de ces cours, eh bien on parle en réalité d'une sous-tribu qui représente l'homme et ses ancêtres directs depuis la séparation avec les grands singes. Alors depuis le temps de Linné, la situation a beaucoup changé. On a aujourd'hui entre 8 et 10 espèces du genre Homo. Alors on peut évidemment discuter de la validité de ces espèces, savoir si elles représentent vraiment des espèces biologiques ou autre chose, des sous-espèces, des dèmes. Toujours est-il qu'on a une grande variété d'espèces. qui sont presque toutes, à part évidemment l'homme actuel, des espèces paléontologiques. Et la première d'entre elles qui a été décrite, c'est Homo néandertalensis. Ensuite, on a décrit l'Homo erectus. Et vous voyez que depuis la fin du siècle, du 19e siècle, on a décrit une grande quantité de formes fossiles. Et je suis absolument certain que dans les années qui viennent, nous en trouverons de nouvelles. Donc pour situer le cadre de ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler des premiers représentants du genre Homo, en tout cas des espèces auxquelles on a attribué ce nom de genre, Homo. Vous verrez que ce n'est pas une attribution qui est si évidente que ça. Et juste pour vous préciser le cadre général, nous parlons donc de formes qui sont probablement enracinées au sein des australopithèques. Ces australopithèques, on les connaît en Afrique depuis plus de 4 millions d'années. Et ces australopithèques ont donné naissance à des formes robustes qu'on range parfois dans un genre à part qu'on appelle le genre Paranthropus, sans qu'on sache d'ailleurs de façon certaine si c'est un enracinement monophylétique ou si en fait les deux groupes de robustes d'australopithèques ne s'enracinent pas séparément au sein de formes plus anciennes. Et alors, parallèlement à l'évolution de ces formes robustes d'australopithèques, on a l'émergence du genre Homo, en gros, entre les formes dont on va discuter aujourd'hui, s'étage entre environ 2 millions et demi et 1,5 million d'années. Et vous le voyez déjà, on parle d'au minimum trois espèces, Homo habilis, Homo rudolfensis et Homo ergaster, qui parfois est considéré comme une forme ancienne d'Homo erectus. Cette évolution en quelque sorte parallèle de deux lignées, une lignée d'Australopithèque robuste et puis ses représentants du genre Homo, a été très souvent interprétée comme le résultat en fait d'une divergence sous la pression de l'environnement. En gros, l'idée qui a eu cours et qui a cours encore aujourd'hui, c'est que c'est l'occurrence d'épisodes d'aridité avec une réduction du couvert forestier, un accroissement des habitats ouverts, voire même arides en Afrique, qui a poussé ces hominines archaïques vers de nouvelles niches écologiques, et en particulier, il s'agit d'exploiter des sources alimentaires nouvelles. Et une source alimentaire nouvelle, c'est l'amplification d'une tendance qui existe déjà chez certains grands singes, la consommation de viande, de graisse, et c'est spécifiquement ce à quoi on assiste dans le genre Homo. Alors, on a tenté de mettre en relation des épisodes climatiques particuliers avec les spéciations au sein du genre Homo, en tout cas dans la période la plus ancienne de son histoire. J'ai tiré cette image d'un travail qui est très souvent cité par un collègue qui s'appelle Demenocal, et donc qui a beaucoup insisté sur le fait que, disons, entre 2,6 et 3 millions d'années, on avait un premier changement environnemental assez important en Afrique, qui était suivi plus tard, entre 1,6 et 1,8 million d'années, par une seconde secousse, si je peux dire, et que, en gros, ces deux périodes correspondaient plus ou moins, l'une à l'apparition des plus anciennes formes du genre Homo, Homo habilis, Homo ergaster, et puis la deuxième avec, si je peux dire, des hommes que l'on appelle parfois des hommes véritables. Vous verrez que c'est un concept très critiquable, Homo ergaster et Homo erectus un petit peu plus tard. Alors notre documentation fossile, pour ces périodes-là, elle vient presque uniquement d'Afrique. Je dis presque uniquement parce que vous verrez, je vais vous montrer dans quelques minutes des fossiles qui viennent de Géorgie. Donc là, on est en Eurasie, sur le versant sud du Caucase. Et on a là les fossiles humains les plus anciens trouvés hors d'Afrique. Et ça sera plutôt le sujet d'un cours ultérieur cet automne. Donc pour ce qui est de l'Afrique, on a toute une série de gisements qui s'échelonnent entre l'Afrique du Sud et puis l'Éthiopie, dans lesquels on a trouvé soit des restes humains, soit des vestiges archéologiques, des industries lithiques très anciennes, qui, grosso modo, sont attribués à ces premiers représentants du genre Homo. Alors, c'est à la fois beaucoup de sites, en même temps, c'est très peu si on considère la taille de l'Afrique. En fait, pour la plus grande partie de l'Afrique, on n'a quasiment aucune information pour cette période de temps, ni en termes archéologiques, ni en termes de paléontologie. On ne sait pas quel genre d'hominines pouvait vivre dans d'autres régions d'Afrique dans cette période de temps. Même si on a un grand nombre de sites en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, vous allez voir quand même que la documentation paléontologique, elle est très biaisée parce que il y a certaines de ces régions, et je pense en particulier au Kenya, où on a la plus grande partie, en fait, des fossiles qu'on rattache à ces premières espèces du genre Homo qui ont été découverts. Alors, je crois que c'est quand même très important de regarder un petit peu l'histoire de ces découvertes, parce que vous allez voir que l'histoire, ça compte. Et l'histoire, elle est aussi guidée par des idées, des concepts, et pas seulement par des découvertes. C'est-à-dire que les gens qui cherchent des fossiles et qui les décrivent, très souvent, ont, avant même de découvrir ces fossiles et avant même de les interpréter, des idées assez fortes sur ce qu'a été l'évolution humaine. Et souvent, ils cherchent dans la documentation fossile des arguments, en fait, pour soutenir leurs idées. Je vais démarrer d'assez loin, vous allez voir. En 1924, Raymond Dart a eu la chance de mettre la main sur un petit crâne d'Australopithèque, qui est le premier fossile d'Australopithèque qu'on a jamais découvert. Il a été découvert donc en Afrique du Sud, dans un gisement, une carrière qui s'appelle Tang. Et c'est un crâne donc d'enfant. Et c'est à partir de la description de ce spécimen que Dart a créé l'espèce, le genre Australopithecus et l'espèce Africanus. À côté, vous avez un arbre phylogénétique établi par un paléanthropologue très, très connu, une autorité de l'époque, qui est Arthur Keith, et qui, en 1931, propose cet arbre phylogénétique des hommes. Et alors, il y a deux choses importantes à voir dans cet arbre. D'abord, c'est que les Australopithèques, eh bien, ils sont enracinés très loin des hommes, près des grands singes. Et à l'époque, après la découverte donc de l'Australopithèque, il faut bien comprendre qu'une grande partie de la communauté scientifique, en fait, ne croyait pas à l'Australopithèque en tant qu'ancêtre, ou du moins parent proche des ancêtres de l'homme. Et donc, on avait un tronc menant à l'homme actuel qui se développait en parallèle avec cet Australopithèque. Et c'est une tendance qui a toujours été très forte en paléanthropologie au cours du XXe siècle. C'est ce qu'un auteur a décrit sous le terme de « shadowman paradigme », c'est-à-dire le paradigme de l'homme de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme de l'ombre ? Eh bien, c'est un homme qu'on ne trouve jamais dans le registre fossile, mais qui est un homme véritable, un homme, dont on serait fier comme ancêtre, et qui a donné naissance aux hommes actuels. Et donc, ce shadow man, sur lequel on a beaucoup de mal à mettre la main, permet d'éliminer, si je peux dire, les Australopithèques pour Arthur Keith. Et la même histoire, en fait, s'est reproduite un grand nombre de fois. Avant la découverte de l'Australopithèque, le même genre de scénario s'était déroulé avec l'Homo erectus, qu'on appelait Pithecanthropus erectus au moment de sa découverte, et qui, pour beaucoup de scientifiques, n'était pas lié à la racine du rameau humain. Et c'est le cas aussi à nouveau pour Arthur Keith, hein. Même scénario après la découverte du Sinanthrope à Zougoudian, donc un Homo erectus chinois dont on a trouvé les premiers fossiles à la fin du XIXe siècle, et puis surtout on a trouvé beaucoup de matériel avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été très bien étudié, très bien décrit par Franz Weidenreich. Eh bien, à l'époque où Franz Weidenreich décrivait le Sinanthrope, le grand paléontologue français Marcelin Boule disait des interprétations de Weidenreich et de ses collègues qu'elles étaient aussi ingénieuse qu'amusante, parce que lui était convaincu que les restes de foyers ou les outillages qu'on trouvait associés aux synanthropes, en fait, avaient été laissés par un homme véritable. Alors évidemment, encore une fois, c'était un homme de l'ombre, on le trouvait pas. Et que ce pauvre synanthrope, en fait, avait été un gibier, peut-être, pour cet homme véritable. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Hein. On a le même scénario, à nouveau, avec l'homme de Broken Hill, en Rhodésie, qui avait été baptisé Siphanthropus rhodiensis par Picraft. Pareil, encore un rameau latéral. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça n'est pas que... Il existe vraiment des relations d'ancêtre à descendant pour tous ces êtres. C'est très difficile d'établir la relation d'ancêtre à descendant dans la phylogénie humaine. Mais en tout cas, ce qui est frappant dans ce mode de raisonnement, c'est quand même l'envie, plus ou moins avouée, de trouver un homme qui soit, encore une fois, qui soit un ancêtre plus avouable que ces espèces d'hommes singes comme les australopithèques ou d'autres formes primitives. Et alors, on va mettre la main en Europe sur cet ancêtre, et c'est l'histoire de Piltdown, hein, donc un fossile dont on trouve les restes dans le Sussex entre 1912 et 1915, et qui est, on l'a appris plus tard, en fait, qui est une falsification, un montage, entre un crâne moderne et puis une mandibule de grand singe aux dents trafiquées, aux dents limées. Ce faux fossile va avoir un succès extraordinaire. Il va y avoir des centaines de publications sur l'homme de Piltdown, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu l'anti-australopithèque. Il a une denture primitive, mais il a un beau cerveau humain, et pour cause, puisque c'est en fait une boîte crânienne récente. Puis en plus, il est anglais, il est européen, et à l'époque, il y a quand même une très forte tendance eurocentrique. On a envie de trouver des ancêtres de l'homme en Europe et pas en dehors d'Europe. Alors, en 1949, des chercheurs anglais, en particulier Oakley, vont par des tests chimiques montrer qu'en fait, effectivement, c'est une falsification. Mais ce concept de pré-sapiens européen, d'homme proche de l'homme moderne mais qui aurait une très grande antiquité, a eu une très grande influence. Et par exemple, en France, dans les années 40-50, on a attribué à ces pré-sapiens toute une série de découvertes. Alors, en général, c'était des fossiles pas très bien conservés, mais dont on force un peu l'interprétation pour le rapprocher de ces pré-sapiens. Alors, c'est dans cette ambiance-là qu'un paléontologue très enthousiaste qui s'appelle Louis Leakey commence à découvrir ses premiers fossiles humains en Afrique de l'Est. Alors, cette famille Leakey, je vais vous en parler beaucoup ce soir parce que c'est une famille, une dynastie de paléontologues qui a eu une très très grande influence et qui a encore aujourd'hui une grande influence sur les recherches en Afrique. Et Louis Leakey a trouvé son premier fossile humain dans un gisement qui s'appelle Kanam, qui est au Kenya, et qui est un gisement qu'on étudie encore aujourd'hui. Louis Leakey trouve une mandibule dans le gisement de Kanam, sur laquelle il reconnaît des caractères, alors non seulement humains, mais des caractères modernes. Il croit même reconnaître un menton osseux, comme chez un homme moderne. Et à cause du contact géologique très ancien, on est dans des terrains, à l'époque, pense-t-il, pléistocène très très ancien, donc Leakey pense avoir mis la main sur alors le shadow man, hein, l'homme qui est ancêtre des vrais hommes et qui permet de court-circuiter alors non seulement l'homme de Néandertal, mais aussi les Homo erectus et même l'homme de Piltdown, en fait. Hein. À son retour en Angleterre, Leakey va présenter sa découverte et en fait, l'accueil va être très très froid. il ne va pas recevoir le succès qu'il attend. Et en particulier, il va y avoir un article qui va être publié dans Nature par un géologue qui s'appelle Boswell. Et ce Boswell va mettre en pièce un petit peu le contexte géologique de la découverte de Kanam. Et cette controverse va porter de l'ombre à la réputation de Leakey. Hein. Il va sortir de cette histoire quand même assez blessé. Et il va immédiatement continuer ses recherches, retourner au Kenya. Il est persuadé que l'origine de l'homme se trouve en Afrique de l'Est. Et il a déjà entrepris des travaux dans un gisement, une série de gisements, dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie. Et il va mener dans cette zone des travaux pendant très longtemps avec sa femme Marie Leakey, en fait à partir de 1931. Il faut bien se rendre compte que Louis Leakey et Marie Leakey ont travaillé pendant, je dirais, toute leur vie dans ce gisement. Et c'est seulement à la fin des années 50 que des premiers restes vraiment spectaculaires vont sortir du gisement d'Olduvai. Donc voilà Louis Leakey et Marie Leakey en train de fouiller Olduvai avec leur fils, avec leur chien. Vous voyez, ils sont en train de dégager un niveau, un sol, sur lequel on a à la fois des restes d'industrie lithique, des restes de faune, dans un gisement qui s'appelle FLK. C'est en fait les initiales du nom de la première épouse de Louis Leakey. Mais enfin, là, il fouille avec la suivante, si je peux dire. C'est un travail formidable parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, la fouille du gisement FLK, c'est une véritable carrière. C'est du sédiment qui n'est pas très meuble quand même. Donc, un travail considérable qui est mené là pour découvrir ces outillages très très anciens. Alors il faut quand même vous rendre compte qu'à l'époque, le Pléistocène n'a pas une durée aussi longue qu'aujourd'hui. On parle de quelques centaines de milliers d'années. Hein, le Pléistocène, ça dure peut-être 200 000, 400 000 ans, quelque chose comme ça. Et alors, en 1959, on va découvrir dans ce gisement FLK d'Olduvai, un spécimen tout à fait spectaculaire, ce crâne très bien conservé, qui est un crâne pas complètement adulte, qui est extrêmement robuste, très spectaculaire, qui, par beaucoup de caractères, rappelle un peu les formes qu'on trouve en Afrique du Sud, les formes robustes d'Australopithèques, qui ont été attribuées au genre Paranthropus. Et on va baptiser ce fossile Zingentropus boisei. Alors Zinge, c'est un nom médiéval de l'Afrique de l'Est, et Boise, c'est le nom d'un sponsor de la famille Leakey dans ses recherches. Et alors, au moment où on découvre ce fossile qui va être numéroté OH5, c'est-à-dire Olduvai Hominid 5, à l'époque de sa découverte, Louis Leakey est convaincu que ce Zingentropus, c'est lui qui a fabriqué les outillages qu'on trouve dans le site FLK. Donc il a mis la main sur un être très primitif, très ancien, qui a fabriqué des industries très très anciennes. Et cette théorie va durer en fait assez peu de temps. Parce qu'on va découvrir assez rapidement dans le site FLK un autre fossile très important. Avant de vous montrer ce fossile, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce site FLK, c'est le premier site où on va utiliser, dans des périodes très anciennes du Pléistocène, des datations radiométriques. Et en particulier, c'est la première fois qu'on utilise la datation au radiopotassium. Et la date qui est livrée par le chercheur de Berkeley qui a fait la datation, c'est une date de 1,75 million d'années. C'est un âge incroyablement ancien comparé à tout ce qu'on pensait à l'époque. Donc vous imaginez l'excitation de Louis-Marie Leakey Donc ils ont trouvé leurs zingentropes avec ces outillages, et en plus, il a 1 750 000 ans. En 1960, autour du jour anniversaire de leur fils aîné Jonathan, pour ses 20 ans, Jonathan va mettre au jour lui-même des fossiles dans le site Afelka qui ne ressemblent absolument pas aux fossiles du zingentrope. Il s'agit d'une mandibule, de pariétaux isolés, fragmentaires, et puis de quelques os des mains. Et ce fossile va être rapidement considéré comme le véritable artisan des industries d'Olduvai. Et le zingentrope va être à son tour, si je peux dire, relégué au rang de gibier ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi on change complètement l'interprétation de ce site ? Eh bien parce que les restes de Olduvai hominid 7, qui va devenir le type d'Homo habilis, présentent des caractères très différents de ce qu'on a à la fois sur le zingentrope, mais aussi sur des fossiles d'Australopithèque d'Afrique du Sud. Un collègue de l'IKI qui s'appelle Philippe Tobias va faire une reconstruction de la voûte crânienne à partir des pariétaux, montrer qu'on a une capacité crânienne au-dessus de 600 millilitres, 600 cm3. Je vous rappelle que les Australopithèques ont des capacités crâniennes qui vont à peine au-delà de 400 cm3, donc on est très au-dessus. Il y a une forte réduction du système masticateur, la mandibule est réduite, et surtout les proportions dentaires sont très différentes, avec des dents en arrière des canines qui sont réduites par rapport aux dents frontales, qui, elles, sont bien développées. Tous ces caractères sont des caractères que l'on ne trouve pas chez les Australopithèques. Enfin, la main, enfin, les os de la main qui sont découverts, montrent des caractères qui suggèrent qu'on a affaire à une main qui a des capacités de préhension assez élaborées. Donc voilà comment le genre Homo habilis est créé en 1964. Il faut bien se rendre compte que au moment de la création du genre Homo habilis, il y a une très forte contestation. Il y a des paléanthropologues de l'époque, en particulier Le Gros Clark, qui est quelqu'un qui a proposé lui-même une diagnose du genre homo quelques années auparavant, mais d'autres, hein, Campbell, Oakley, tout un tas de gens, en fait, n'acceptent pas ce fossile dans le genre homo, et en particulier à cause de cette capacité crânienne qui, évidemment, est plus élevée que celle des Australopithèques, mais qui reste très très loin de ce qu'on a chez les hommes plus tardifs. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, la première sortie d'Afrique, l'émergence du genre Homo. Alors voyons maintenant un petit peu la suite des découvertes. Vous allez voir qu'après cet Homo habilis, on va trouver d'autres fossiles qui vont être rangés dans le genre Homo. Et en particulier, c'est à la génération suivante de la famille Leakey que l'on doit toute une série de découvertes. Ici, Richard Leakey, qui est donc le fils de Marie et Louis Leakey, et son épouse Miv, jeune paléontologue dans les années 70, vont démarrer un nouveau projet au Kenya cette fois-ci, et en particulier sur la rive est du lac Turkana, qui à l'époque s'appelle le lac Rodolphe. Et ils vont trouver, dans ces années 70, mais encore jusqu'à très récemment, des spécimens tout à fait extraordinaires. C'est un gisement, une série de gisements très riches, et ces spécimens vont être datés, vont être publiés, étudiés, en particulier par notre collègue et ami Bernard Wood, qui a joué un très grand rôle dans l'interprétation de ce matériel. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la rive est du lac Rodolphe, qui va s'appeler le lac Turkana? Eh bien, d'abord, on trouve d'autres formes d'Australopithèque robustes, un petit peu comme le Zingentrope d'Olduvai. Et puis, on trouve aussi des formes qui rappellent l'Homo habilis. Et je vous en montre ici deux qui sont les plus connues. Un spécimen qui a été numéroté ER, alors ER ça veut dire Est Rodolphe 1813, et puis un autre qui a été numéroté 1470. Il y a eu une longue discussion pour savoir quel était l'âge de ces spécimens, et surtout il y a eu une longue discussion pour savoir s'il fallait tous les deux les ranger ou pas dans la même espèce. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a une différence de taille considérable, et en particulier de taille de la boîte crânienne, avec une capacité crânienne de 1470, qui est de 750 cm3. Donc là, on est proche de ce qu'on trouve chez des Homo erectus plus tardifs. Alors que 1813, lui, est à peine au-dessus de la capacité crânienne des Australopithèques. Mais il y a aussi de nombreuses différences morphologique, et en particulier la face est très différente dans les deux spécimens. Alors, 1470, si je peux dire, est très humain par sa capacité crânienne, mais il a une morphologie faciale un petit peu bizarre, avec une face très, très aplatie. Vous voyez ces régions latérales de la face, ces os zygomatiques qui sont poussées vers l'avant, qui donnent une forme très aplatie horizontalement à la face, et puis cette région sous-nasale aussi qui est très, très importante, très longue, très plate. D'ailleurs, de nombreuses discussions pendant des années, je vous en fais grâce, on va revenir sur cette question dans un instant. Alors, au fil des années, on a trouvé toute une série de spécimens qui ont été rattachés, alors, soit au sens large, si je peux dire, à Homo habilis, soit à Homo rudolfensis, donc cette forme de l'Est Rodolphe de plus grande taille qui a été découverte pour la première fois avec ce spécimen 1470. Alors voilà une liste là, qui n'est pas une liste exhaustive, hein, qui est une liste des principaux spécimens qui ont été découverts en Afrique et qui ont été attribués à toutes ces formes anciennes du genre Homo. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de spécimens, mais quand même, vous voyez aussi en regardant cette liste que cette documentation est très biaisée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une surreprésentation de l'Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a très peu, enfin, on a quelques spécimens. Et puis même en Afrique de l'Est, il y a un énorme poids des gisements autour du lac Rodolphe, du lac Turkana. Et donc, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, on étudiait la faune de l'Afrique et qu'on allait dans un petit coin quelque part du Congo, avec une soucoupe volante, hein, et qu'on attrapait tout ce qu'on trouve dans un rayon de quelques kilomètres et qu'on reparte sur une autre planète. Est-ce qu'on connaîtrait la faune de l'Afrique ou la faune de la Terre comme ça ? Je ne sais pas. Donc c'est une documentation qui est extrêmement biaisée. Elle est biaisée aussi parce que je vous ai parlé de crâne, je vous ai parlé de mandibule, je vous ai parlé de dents, mais les hommes ne sont pas faits que de leur tête et de leur bouche, et ils ont aussi un corps. Or, ce corps, en ce qui concerne Homo habilis ou les formes proches, on en connaît très très peu. On en connaît en gros deux spécimens. Alors, dans la littérature, ces deux spécimens sont mentionnés comme des squelettes partiels d'Homo habilis. Vous voyez sur ces photographies qui sont quand même des squelettes très partiels, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragmentaires et leur interprétation a donné lieu à des controverses très longues, en particulier pour savoir si ces Homo habilis avaient des proportions corporelles qui étaient proches des proportions corporelles qu'on pouvait trouver chez des hommes, comme vous et moi, ou au contraire des proportions corporelles plus proche de celle des grands singes, avec des bras plus longs, des jambes plus courtes. Alors il y a un petit peu les deux écoles, hein. Il y a des auteurs qui ont... Alors il y a des parties du squelette qui sont un petit peu mieux conservées, donc qui ont regardé les proportions des bras et de l'avant-bras, qui ont l'air plus humaines. C'est difficile d'en juger, mais on a quand même l'impression, quand on regarde ces restes, qu'on a toujours affaire à des formes qui ont quand même des membres inférieurs qui sont relativement courts, en tout cas par rapport à ce qu'on s'attend à trouver chez un homme véritable. Pour le reste du squelette postcrânien, c'est pareil, il n'y a pas énormément de matériel. Un des problèmes, évidemment, c'est que dans ces gisements où on trouve plusieurs espèces d'hominines, c'est très difficile, quand on trouve un os postcrânien isolé, de décider si c'est un Homo habilis, si c'est un Australopithèque ou autre chose. Alors, souvent, on présente ces spécimens-ci qui viennent d'Olduvai et qui viennent vraiment du niveau où a été trouvé l'Homo habilis. Et en tout cas, pour ce pied, on pense que c'est un pied d'Homo habilis. Ces restes de mains... ont été trouvés donc en relation directe avec les fragments de pariétaux et la mandibule d'OH7. Donc on pense aussi que c'est un Homo habilis. Ces restes ont des caractères très ambigus. Ils ont un mélange de caractères primitifs et de caractères humains. Par exemple, ce pied a des caractères humains dans le sens qu'il semble avoir une voûte plantaire, déjà, qui s'est développée, un petit peu comme chez l'homme moderne. Des proportions des métatarses aussi, avec le premier et le cinquième métatarse qui sont les plus robustes. Ça, c'est un caractère humain qui est lié à la bipédie, donc on a affaire à un être complètement bipède. Mais en même temps, il y a des caractères très primitifs dans ce pied. Par exemple, le talus a une forme qui est assez primitive. Et pour la main, c'est un petit peu la même histoire. Des os du carpe qui ont conservé des caractères primitifs, des phalanges qui sont courbées, un petit peu comme ce qu'on observe chez un chimpanzé. Mais certains caractères, comme par exemple l'élargissement de la partie terminale des doigts. Vous savez, les chimpanzés ont des doigts très, très, très fins au bout, avec des phalanges terminales qui sont très grêles. Là, on a déjà cet élargissement qui, chez l'homme, est lié, en fait, à notre utilisation des doigts, hein, le fait qu'on manipule des objets, donc on a besoin de cette morphologie de doigts. Donc, des caractères assez ambigus. Alors, on va trouver avec un autre fossile, des restes postcrâniens beaucoup plus complets. Et c'est un fossile, alors lui qui n'est pas attribué ni à Homo habilis, ni à Homo rudolfensis, c'est une forme qui est proche de l'Homo erectus et qui va être découverte sous la forme d'un squelette très complet en 1984, cette fois-ci sur la rive ouest du lac Turkana, par ce paléontologue kényan Kamoya Kime, qui travaille avec la famille Liké. Et ce spécimen est tout à fait extraordinaire. C'est un squelette presque complet. Il manque les pieds, il manque une partie des bras et puis les mains. Mais sinon, on a à peu près un squelette complet. Il va être étudié avec beaucoup de détails, en particulier dans un volume publié en 1993, qui va avoir une très grande influence. Pourquoi ? Parce que on reconnaît dans cet adolescent des caractères vraiment humains dont on débat à propos d'Homo habilis, en particulier sur le format corporel. Alors, on sait aujourd'hui qu'une partie de ces caractères très humains de l'enfant de Nariocotomée ne sont pas aussi humains que ça, en particulier son développement. C'est un enfant, enfin un adolescent qui a pratiquement ma taille, un petit peu moins, et qui, au point de vue de sa maturité squelettique, a à peu près 12-13 ans, mais on le sait par l'étude des microstructures dentaires, il est mort à l'âge de 8 ans. En fait. Donc un mode de développement beaucoup plus rapide que chez l'homme actuel. Les proportions corporelles de cet individu se rapproche beaucoup des proportions corporelles des hommes actuels, avec des membres inférieurs longs par rapport au tronc et aux membres supérieurs, un tronc qui est beaucoup plus étroit que ce que l'on trouve chez un Australopithèque. Ici, vous avez une version agrandie de Lucie à la taille de l'enfant de Nariokotome. Donc, vous pouvez comparer une grande Lucie avec l'enfant de Nariokotome. Vous voyez que la forme du tronc, en particulier, est très différente, avec une cage thoracique qui est conique, un peu comme chez les grands singes, alors qu'ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la forme humaine. J'insiste pas sur le bassin, les proportions des membres. Donc, on va avoir tendance, dans les années 90, à présenter cet Homo erectus de Nariokotome, auquel on donne parfois le nom d'Homo ergaster, comme un homme véritable qui est devenu très rapidement un homme à partir de formes archaïques du style Australopithèque ou Homo habilis. Alors on rattache à ce spécimen d'autres fossiles qui ont été trouvés dans la région du lac Turkana, et en particulier on a des crânes, des mandibules que l'on range sous ce terme d'Homo ergaster ou d'Homo erectus ancien. Donc juste pour résumer, voilà une liste de tous les noms d'espèces qui ont été créés pour ce matériel des premières formes du genre Homo. Alors c'est en haut essentiellement des fossiles africains. Vous voyez qu'il y en a une longue liste, je ne vais pas vous la donner parce que les paléontologues ont été très créatifs, mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, les espèces qui ont survécu, si je peux dire, c'est Homo habilis et Homo rudolfensis pour les premiers représentants du genre Homo, avec quand même une discussion qui dure toujours pour savoir si ce sont deux espèces différentes ou pas, et puis donc cet Homo erectus qui lui succède avec une forme plus primitive qu'on appelle Homo ergaster et qui, pour l'instant, a été essentiellement décrite en Afrique. Alors, on va se rendre compte au cours des années que le schéma est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce que on va trouver des spécimens d'Homo habilis très tardifs, comme ce spécimen de l'Astrodolphe qui a été daté à peine un peu moins d'un million et demi d'années, et donc qui recouvre très largement la distribution chronologique des Homo erectus. Donc on a maintenant un recouvrement d'environ un demi-million d'années entre les deux espèces. Quand on porte sur un diagramme les représentants de ces trois espèces, Rudolfensis, Habilis et Erectus, on a une zone assez importante de recouvrement, disons, entre 1,9 million et 1,4 million ou 5, quelque chose comme ça, où on trouve à la fois des représentants de tous ces groupes. Alors, cette discussion à propos d'Homo habilis et d'Homo rudolfensis va continuer jusque très récemment. Et en fait, une des raisons qui motive toute cette discussion, c'est que, vous avez peut-être vu ça, mais on a beaucoup de restes d'Homo habilis, on a assez peu de restes d'Homo rudolfensis. Alors, c'était vrai jusque récemment. En 2012, mon collègue Fred Spoor et Miv Leakey ont publié du matériel nouveau venant de l'Est Turkana qui a éclairé un petit peu cette discussion sur les différences entre rudolfensis et Homo habilis. Il s'agit essentiellement d'une face fragmentaire et d'une mandibule, toutes les deux de l'Estrodolphe. Après reconstitution virtuelle de ces pièces, il a été possible de voir comment une mandibule de cette forme ou un maxillaire de cette forme venait en occlusion avec du matériel connu, et en particulier le type d'Homo habilis. Je vous rappelle que c'est une mandibule. Et donc, quand on essaie de faire cette occlusion, on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en particulier, ce palais, avec cette arcade dentaire, réplique à nouveau cette morphologie très particulière que je vous ai décrite sur l'Homo rudolfensis. Et donc, ce travail, en fait, a contribué à renforcer énormément l'idée qu'on avait vraiment deux formes distinctes dans cette région-là. Alors, ça n'est pas l'avis de tout le monde. Hein. La science, c'est un éternel débat. Il est possible qu'on n'ait pas encore découvert les plus anciens représentants du genre homo. Quand même, il y a une certaine forme de concomitance, si je peux dire, entre le développement des industries lithiques et puis l'apparition de toutes ces espèces qu'on rattache au genre homo. Puis surtout, il y a beaucoup de discussions sur l'interprétation de ces assemblages. Lorsqu'on a trouvé à Olduvai ou ailleurs les premiers, ce qu'on croyait être des niveaux d'occupation humain avec de la faune, de l'industrie, des eaux qui avaient été brisées, etc., la tendance a été d'interpréter ça de façon très anthropique, c'est-à-dire on est parti de l'idée que tout était lié à l'activité de ces hominines primitifs. On sait aujourd'hui que à Olduvai, à part peut-être le site FLK, de nombreux gisements du Bedouin d'Olduvai sont en fait le résultat d'une activité des hommes, mais aussi d'une activité des carnivores. Et ces assemblages posent des questions en particulier sur le type d'exploitation de la faune par ces premiers hominines. Et une des questions qui est ouverte, c'est de savoir si, dès les premiers représentants du genre homo, ils ont accès à des animaux de grande taille, et s'ils ont accès à ces animaux, est-ce que c'est en les chassant ou est-ce que c'est par charognage? Et ça, évidemment, ça demande énormément de travail pour comprendre quel est le rôle mutuel des hommes et des carnivores dans ces gisements. C'est une fenêtre que j'ouvre rapidement et que je referme parce qu'on n'a pas le temps. Et pour finir, je voudrais vous dire que, en fait, on a aujourd'hui considérablement changé nos idées depuis l'époque de la description du premier Homo habilis. Pourquoi ? Parce que j'espère vous avoir fait sentir qu'il y avait une espèce de désir de trouver le premier homme véritable, celui qui avait, on parlait de Rubicon, hein, pour sa capacité crânienne, donc qui avait franchi le pas, qui était devenu un homme, de façon assez rapide, j'allais dire. Il y a eu un peu le même fantasme avec l'enfant de Nariokotome, hein, c'est-à-dire l'idée que c'était un homme véritable. Alors maintenant, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pris cette image synthétique d'un travail récent de Suzanne Anton, qui a été publié dans Science avec plusieurs de ses collègues, où elle montre que dans la période de temps qui nous intéresse, donc on a plusieurs espèces du genre homo qui coexistent, et qui coexistent aussi avec des formes robustes d'Australopithèque, et des formes comme l'Australopithecus africanus. Donc on a une superposition chronologique de ces formes, et quand on regarde l'apparition de l'industrie oldowayenne et de l'industrie acheuléenne, c'est très difficile, avec certitude, d'attribuer ces industries à un groupe ou à un autre. Il y a une très forte suspicion que des Australopithèques aient fabriqué certaines des industries oldowayennes. Et si on s'écarte un petit peu uniquement de l'industrie, qu'on regarde d'autres comportements, des choses que l'on considère comme des traits importants pour l'homme, alors sur le plan de l'alimentation, le fait de, par exemple, d'avoir une alimentation très variée, carnivore, avec accès à des grands animaux, le fonctionnement des groupes, la façon de grandir, de se développer lente, eh bien, on se rend compte que, en fait, tous ces traits humains sont acquis à des époques différentes. Alors, on peut discuter toutes ces dates, et probablement j'aurais positionné certaines de ces repères ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que, aussi bien pour l'anatomie que pour le comportement, on voit qu'il n'y a pas un espèce de moment adamique où l'homme devient homme. Pour finir, donc, je voudrais insister sur le fait qu'on a une documentation paléontologique qui est très lacunaire, à la fois sur le plan géographique et sur le plan chronologique. Alors, géographique, j'ai déjà insisté là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques points où on a beaucoup de matériel, enfin, on a pas mal de matériel, et puis beaucoup d'endroits où on n'a rien. Chronologique, pourquoi ? Eh bien, parce que chaque fois qu'on a une espèce nouvelle qui est décrite, par exemple Sediba, c'est un point, mais ça ne nous donne pas la profondeur chronologique de cette espèce. Et il faut bien garder en tête qu'il est possible qu'elles aient une profondeur chronologique beaucoup plus grande. Donc les formes ancestrales, très souvent, on ne les a pas. Ce qu'on observe quand on regarde tous ces fossiles, c'est une très grande diversité de formes. Alors probablement qu'à l'intérieur de chaque groupe, il y a une grande variabilité, avec un dimorphisme sexuel qui est encore très marqué chez ces formes anciennes du genre Homo. Et puis, d'un taxon à l'autre, des différences morphologiques qu'il est difficile d'interpréter, encore une fois, en termes de taxonomie et de phylogénie. Ce qui est très important, c'est que on a certainement beaucoup de ce que l'on appelle dans le jargon de l'homoplasie. Alors c'est quoi l'homoplasie ? Eh bien, c'est le fait que des lignées différentes acquièrent des caractères comparables indépendamment. Et je pense en particulier à ce que je vous ai montré à propos du squelette postcrânien de Sediba. On peut très bien imaginer que des australopithèques tardifs acquièrent des caractères de la main ou du bassin qui, en quelque sorte, miment ce que l'on observe dans d'autres lignées, lignées alors du genre Homo. Pourquoi ? Eh bien, tout bêtement, parce que toutes ces formes sont quand même proches zoologiquement et qu'elles sont soumises à des contraintes de sélection comparables. Et puis surtout, gardez en tête que ça ferait peut-être de la peine à Louis Leakey s'il m'entendait aujourd'hui, mais il n'y a probablement pas une émergence adamique d'un homme véritable, d'un homo habilis. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Hublin, La première sortie d'Afrique, l'émergence du genre Homo, le 14 octobre 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Il donne en ce moment sa troisième année de cours et mardi 22 novembre, vous pourrez l'écouter au Collège de France à 17h. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « Paléanthropologie du genre Homo » et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité et à Boris Boutlerov. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son cours sur la première sortie d'Afrique avec la question du cru et du cuit. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.